On a une playlist Spotify aussi qui va bientôt taper dans les 7h30 de chansons, presque une centaine de chansons. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Il y a un peu tout, du basque, du français, de l'anglais, de l'espagnol, du gascon, de la folk, du métal. Il y a vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, bon, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette petite chronique et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Intera gluji u skorpicu svoj. Per babu tadi zi lados ke kuri ke kreš. Robisto di serbi ke sriga u deš. Et mustre et amica ku neš in serbi ke bit. Ke sa serku sa presu de tutti bitit. Suri de de burtix ut postetos. Lysendos. E ku et serbi ke hui. En suka se rapo ke sli. Nu bit passer amistad ket bro bi mustro bom sha i kur serbi ke hui en suko se rapo ke slei nu bit passer amistad ket bro bi mustro bom sha i kur e mustro bi hui en suko e chakri ke slei tu kun bit passer amistad ta poste parlasi o refuzado bi kur e mustro bi hui en suko e chakri ke slei tu kun bit passer amistad ta poste parlasi o refuzado mustre Mostre, mostre, e mostre Intera glujus che frette su svelci Per babutta di sillados che pure si guescio E mi clozza caro che benti che brumesci Chirin! E mostre Che scupo era sallo si rastens Che parta pais di certi se sai più sens Che sapeglio tutto mezzo e zuri dentro Gori e stiu, intensi iver E servis la quelli in cubaglio nisper Che giocano ammasso a tutti io Ibero zannato schi passo Gori e stiu, intensi iver E servis la quelli in cubaglio nisper Con io e urpo mau tagliato E share su servi per accidem Di mali se servis che attacco E su scos de haino se pleo Tu piede in passo che cai e su Quando iave e pato do pinte su Di mali se servis che attacco E su scos de haino se pleo Tu piede in passo che cai e su Quando iave e pato do pinte su Mercur e busti be hui E su come chagri Slay, kiss in bow mesk at yatop tata demon dows the perbu wow, you pure and boost the behoy. It's so got me chugging his lay. Kiss in bow mesk at yatop tata demon dows the perbu wow. Et mostre, intera glue, use this blow and choice. Per babuta, use his ladders, get pure so fresh. It's so hope and dar regrets, kiss consumish. A regret sardines, e mostre. A huns de bero tutto che se stio Se ne senco era sull'età che pio Arruga gli appena spennos che smuresh In monstre In monstre Lenti a rui, che un corrente patch Che trocchisce in spoon, eras mas E gados, e a un lute pur Che humo autur, e na sang sang sang Che nato un pez de slurs Garugno di terro, trezudo e dar bus Che bei io serro, prelejante plus Plus da rugno negro, e arbusa plus Che cerca un ero berro, di su rei frepus E bro che se me importe, de push pas luta Era pio che hot, di eu che becera Era pio che tort, de se pas tu pa Ben torti da psego te zahara E pro che se me importe de push pas luta Era bio che horte di eo che megera Era bio che torte ne se pas tumba Come bosque me indorte da psego te zahara Tu cur pas te scagliars Che pule te sus Che trauco et seu Da pues te tu ma hus Nu het cumen ya rat Vita de principat Cu baiera ma Che prende son ir pa Bene narra zirpe se tras tut sactus Eras bio se chukes era carim plus Preghiere pausa e tu perse già Era ausente ma lui che promette giù tu ba Se che che tumbi Tumbi Tumbi Tumbi Nimen puterei passi deslivra E però che que se me importe, ne push pas grida. Era gramo que horte, sei que me spelera. Era bito que torte, ne sei pas quimba. E plura que suporto, et who we was quizat. E pro que se me importe, ne push pas grida. Era gramo que horte, sei que me spelera. Era bito que torte, ne sei pas quimba. E plura que suporto, et who we was quizat. E curvas que se enturne, que pude resalpar. Pero lica de sorna, carreira tutka, ha. Era matro obdulento, terra rir inocento. Abate o deixo tu passo, se lhe tem caiau. E de curvas que se enturne, que pude resalpar. Pero lica de sorna, carreira tutka, ha. Era matro obdulento, terra rir inocento. Abate o deixo tu passo, se lhe tem caiau. E aí recau, tipo bus, que me sharp it's ways. Que por rilms, por bus, inabentado vermelho. Unhas glas de riher, que empata por riher. E desses brocos, brocos, brocos. Que bano tu te esper. E aí recaute pro bus. Que me sharp is ways. Que burrilhos por bus. E na aventado per meio. E minhas classe de riher. Que bata pos de her. E desses bros, bros, bros. Que me viro e que me enterro. Que me viro e que me enterro. Porto, ne puxa para se respirar. E temos que ser ma porto, e pescoço poeira. Uma nota se liurado, terá tudo carado. Se esbriga, eu tato de gente, o mundo é decadente. Era amor que me importa, ne puxa para se respirar. E temos que ser ma porto, e pescoço poeira. Uma nota se liurado, terá tudo carado. Se esbriga, eu tato de gente, o mundo é decadente. Jamais pro. Jamais pro. Et pas jamais pro plat. Wait. N'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas. N'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y Spekulon, et strato katses. Katenek, kus pa jembis de hate, tu toki bolin. Ne va pas. Ne van pas. Ke bolin, che spesuit, mes ne hen, pazare. Kes planjen. Kes planjen. Mes ne balin, pazare. So ke boi katsei. De temo ripas que me paien sos. Que se tierra jutmes de despe ripas. Cu tempo cu buey, cu tempi tople. De crupi paso ki bui. So ki bui kat hey. Ni mente ki paso ki bui. So ki bui kat crei. De temo ripas que se ajude diu. De temo ripas que se paien sos. De tebe aji pas con se caro net specs. Cu tempo cu buey, cu tempi tople. De criti ki paso ki het. Sindu plat kat cambi. Se tu puxa ajudas o que hit. Ela bet que bucari. Wait. Bete boi, cute boi, sempre boi. Zera rito pleo. Se eu porges o ombre, su altes que sum tus maries. Eu que beijo o que o diferença no existencio. Es que hit sabem só que bolen e es que esplanjen. Que es bion são nejon, em beijon, se espaça a racte. Senso que cau comandon credet contribua. Que deixon tus temps as altes que tuen desi ha. Que m'harton. Que es harton. ține hand, pazare. Stanga Carrunem, arrunem, tu stem Mi-a sortit de la supă jamei Tropou, reito Tropou, trahuito Carrunem, arrunem, tu stem Mi-a saie de rescupă jamei Tropou, a desconegut Era lui de tsuni din pasos Che clica me zuelch Trebem che cau come da schiam Che clica me zuelch Era lui de tsuni din pasos Che clica me zuelch Trebem che cau come da schiam Come da schiam Come da schiam Chissà ne scannați cum porți Chissà ne îngreșați de plata suca ardiți Chissà ne scannați cum porți Chissà ne îngreșați de plata suca ardiți Hastiaus Che sunt hastiaus Hastiaus Chem hastiaus Carrunem, arrunem, tu stem Me sortit de rasul pe jamei Cabem pau Astus te saunis Machinos de producción Machinos de production Pas nat num Kemi sebe Competencios I prets urari I kalt de production Kiko ha basha Erasmus të spito aske su Da bide e mprumus ju Erasmus të skap skire Ben tus të mperge balu Io pero jo karu këbo mje je kjo edukasu Pergu et kapitau na pas bezun Cun kere kush Erasmus të spito aske su Da bide e mprumus ju Erasmus të skap skire Ben tus të mperge balu Io pero jo karu këbo mje je kjo edukasu Pergu et kapitau na pas bezun Cun kere kush Kus djeze marins inteligenci. Kad vjem peri, kapjelo narlic. Kes pojere še ne rabi to tabasti. I savni deri kek, ja tiram da bhasti. Es luz kontes kes un ples. Era lo dignitat, ki je valito. Kan dios mas, suiz e pude. Era lo humanitat, ki se pelido. Era dos tos bitos que su debede e probusiu. Es dos tes caps que reben tus te berge balu. Pero es cachaos que belem yeye que buenos axius. Perbu et capitao da paz de su tu que de noobs. E trique que costo ca. E trique que costo ca. E trique que costo ca. E nurique que es costo ca. Arreda raya ba, arreta sapat sa, arreta da banza, usunta se escapa, que sa da tu pres, tebe pas cum pres, que me hate blas, peso que era ma. Arreda raya ba, arreta sapat sa, arreta da banza, usunta se escapa, que sa da tu pres, tebe pas cum pres, era lu tristi stuero, que semblo Dracula, que si con et sang, cus vea merau de bras. Chico net sang. Cuba ya me rao de bras. Eras tus tus pitos que su debe de en promusiu. Es tus tes caps que reben tus tembergue balu. Pero en se crans que belen yeye que cut estas sus. Verbo et capital da paz de sur de buhus. Eras tus tus pitos que su debe de en promusiu. Es tus tes caps que reben tus tembergue balu. Pero en se crans que belen yeye que cut estas sus. Verbo et capital da paz de sur de buhus. Na bi pas na tnum. Makinos de produksiu. Produktus de konsumasiu. Makinos de produksiu. Produktus de konsumasiu. Makinos de produksiu. Produktus de konsumasiu. Makinos de produksiu. Lorderos. Sappiate che per him era mimoso. Incantavo questi io suoi dios. E chiudos huic, arridulavo. Per asclaros multados gestivos. E cami de peiros, interizar busts. Io bordo pielio, e grae de justo. E petituc risc, e berre de sus. E tabu mintia, panata de scus. E porta trauca de grae, che deixapo passa pinta razzi. Luit stara grano salo, probus e escuro. Don sortivo, e mai net in tu curren. Dar su espado, branco da vera ne combate. Drags y enemigos, escunes a terre, de rocks y arcos. Mis perdiu, mi paso y dins. Quan catera nuit que caubiste, turna ta de hins. Pasa e portau, tras al escuro. Vira a madreto, ta descales luz y shins luz. Buya, tatsule, adupa da cumius y tuje su trepade. Mi surbiera porto que mi abotara gran voto. Y yo perdido gestro. E mai tras gran, su zita pi sentado e pai, e sus tres mainatis. E pai, e sus tres mainatis. Tu tu e perfume tra mimoso. Incantabo es dios huic dios. E judos huic, carriru lavo. Peras claros muitados gestivos. Ves que en breve que dio, e busy que entre. Que puja po bra, que nets escales. Nun ya benat huic, ni nat pisture. Scride tut baște stuiara tele. Era vieliu tele ca cabe el iete. Ta desbita a pai de paga era rete penso. Es mainați che juga bon de baci de letero. Amisa spera situațiu. Pende che pai e sui tavo de pau e cale menti. Era prospecturo. Mes enter mentiu muris de ham. Era causido che ia izido. Iu pergugno, iu infracțiu. Risques de preneșes na do ezitațiu. Pusche cop de mei e pai ca me rob din mat. Es pumus che scopibon. Tuits și că beiați cum si nero pas bru. Eres io cu se bruche. Arre, nu putem mai ha in liet că te mure. Că breca luta bra a me de si mes că roca. I pai că ro trofeat a semilla. Că slejum cau că slibe sen tu te speran. La sos ta sueñas, trop mau ta tribalia. Tu tu e perfum era mimoso. Encanta bo es dios huay dios. I judos huic, carridu lavo. Perras claros muitados gestivos. Arrides de flus, cansuses telados. Reguilliez d'amour. Sabus pingurlados. Kem karesser eskio, et endast i klykhet sways du bejer og lyr. Import i transport, at zoom des grans majs, at press des lygrans. Kem jeg stauer ar kvæt, at hundster an vægt, at bygges det savne. Nat bryt, nat ar vægt, et serpent i vægt, kan glabat ens reklams. Et reklam dit silenci, kan skuto er abuts, tyr er sjoa drummit. Carrejado pets pens, un ano que tremule nas sabia nas huelhos. Que cantieran mueitas. Pera selvo fresqueto. Que cantieran mueitas. Pets humeus atrumits, yera ego estelado, yera prado luzento. Que cantieran mueitas. Et rit, kem putu era buk. Et tens de sarrait spots, ke tisi umurus. Ke hautses parbol, at meigte zarrais, ara pyntu tets mais. Ke skutit entramens, ke no portet ben, ke su vodus amens. At huns der an nuit, era buts de zaunei, heba de ureklam. Ke kanti era nuit. Era selvo fresqueto. Que cantiera nuez. Pets humeus adrumits, yera ego estelado, yera prado luzendo. Que cantiera nuez.